ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui par la grâce duquel les bonnes actions se concrétisent. Et parmi les choses qui remplissent de joie le cœur, le fait de voir ces assises vers lesquelles convergent les croyants, ces assises à travers lesquelles nous augmentons notre foi, bi'idhnillahi azza wa jal. Cette assise à travers lesquelles on s'éloigne du mal, on se repent de péché, on gagne en motivation et en éloignement devant les péchés. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَبِالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous ces faibles actions, qu'il accepte, qu'il nous accorde science et mise en pratique. Ceci étant dit, après avoir entendu ces précieux conseils de notre frère Wafaqahullahu Ta'ala relatifs à la préparation de la venue du mois de Ramadan, nous allons poursuivre sur un des points précédemment mentionnés, qui est le fait d'étudier et de s'instruire sur les règles religieuses relatives au jeûne du mois de Ramadan, aux jours et aux nuits de ce noble mois. Le sujet sera donc plus dans le fiqh, les règles religieuses relatives au mois de Ramadan. Premièrement, vous savez tous que Ramadan est le nom du 9e mois de l'année lunaire. Et nous sommes actuellement dans le 8e, dans la dernière semaine du 8e mois de l'année, le mois de Sha'ban. Il sera suivi, incha'Allah ta'ala, du 9e mois de l'année, qui est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est le meilleur des mois de l'année. Il est à l'image de Youssouf, alayhi salam, parmi ses frères. Il est à l'image de Youssouf alayhi salam, parmi ses frères, Allah azza wa jal l'a anobli, l'a préféré, l'a élevé, tout comme il a préféré, anobli le mois de Ramadan. As-siyam signifie le jeûne, l'abstention. Dans la langue arabe, as-siyam ma'nahu al-imsak. As-siyam dans la langue arabe, c'est le fait de s'abstenir de faire une chose. Si tu marches, puis que tu t'arrêtes, on dira de toi « Sama anil mashi ». Il s'est arrêté de marcher, il s'est abstenu de cette action qui était la marche. À titre d'exemple, on trouve dans le Coran, dans Surat Maryam, radiallahu anha, ce terme utilisé linguistiquement parlant, on trouve ce terme. C'est-à-dire As-Siyam dans le sens de Al-Imsak. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit فَإِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. J'ai voué au tout miséricordieux un vœu, je ne parlerai donc pas aux êtres humains. فَإِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ. Je ne parlerai donc pas aujourd'hui à une personne. فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Ici, le sens de siyam, c'est l'abstention de parole. C'est l'abstention de parole, comme le prouve la suite du verset. Donc voici le sens du mot as-siyam dans la langue arabe. Quant au terme as-siyam, quant au sens du mot as-siyam, shar'an, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pour définition at-ta'abbudu lillah. C'est une adoration vouée à Allah. Bil imsaki 'anil akli wa shurbi wa sa'ir al mufattirat min tulu' al fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams. As-siyam a été défini par nos savants comme étant une adoration vouée à Allah, qui consiste à s'abstenir de manger, de boire et de tout ce qui annule le jeûne, et cela de l'aube au coucher du soleil, et cela de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. À travers cette définition, on comprend, incha'Allah ta'ala, parfaitement ce que signifie as-siyam dans l'islam. As-siyam, premièrement, c'est une adoration. Celui qui jeûne, himyatan par exemple, pour perdre du poids. Celui qui jeûne, par exemple, par coutume et habitude, celui-ci n'aura pas jeûné dans l'islam. Il faut que ce soit une adoration, il faut que l'intention soit d'adorer Allah à travers cette action. Wal imsaku, donc ça c'est l'intention. Ensuite, le jeûne consiste à un délaissement. Certaines adorations sont des agissements, comme la prière, et d'autres des délaissements, comme le jeûne. Comme le jeûne, ça consiste à délaisser des choses précises. Par ces choses-là, par ce délaissement, on se rapproche d'Allah. Quelles sont ces choses? C'est ce qu'on appelle al-mufattirat. C'est-à-dire, ce qui annule et corrompt le jeûne du serviteur. S'il le commet avec science, volontairement, sans avoir été, et yani sans oubli, sans être sujet à l'inadvertance, sans oubli, sans avoir été forcé, sans avoir fait cela par ignorance, c'est ce qu'on appelle al-mufattirat. Et la base de al-mufattirat sont nombre de trois. Les bases de al-mufattirat sont nombre de trois. Manger, boire et commercer avec la femme, avec l'épouse. Et il y a plus que cela, comme on le verra, incha'Allah. Cela est dans un temps déterminé, lequel, de l'apparition de l'aube, c'est-à-dire de la sortie de la nuit, du temps légal de la prière du Fajr. Et ce temps-là s'étend jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire l'entrée de l'heure légale pour le Maghrib. Voici la définition de as-siyam. At-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil akli wash-shurbi wa sa'ir al-mufattirat min tulu' al-fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams. Après avoir vu la définition du jeûne, passons maintenant au jugement de siyam shahr Ramadan. Donc deuxièmement, hukm as-siyam Aïe, siyam et shahr Ramadan. Deuxièmement, le jugement du jeûne du mois de Ramadan. Hukmuhu al-wujub. Bidalil al-Qur'ani wa sunnah wa al-ijma'. C'est une obligation, comme cela est prouvé dans le Qur'an, la parole d'Allah subhanahu, dans la sunnah, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'ijma, le consensus des musulmans. Le consensus des musulmans. Il a été, ou bien avant cela, quelques preuves. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Ya ayyuha alladhina amanu, ou vous qui avez cru, kutiba alaykum as-siyam, kutiba ay furidha, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. » Ou vous qui avez cru, il vous a été prescrit, il vous a été rendu obligatoire le jeûne, tout comme il a été rendu obligatoire aux générations précédentes, aux gens qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous enseigne, nous montre que le jeûne, c'est-à-dire du mois de Ramadan, est une obligation. Et qu'il a été rendu obligatoire au peuple passé, pareillement. Un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit, « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » Celui donc qui témoigne du nouveau mois, qu'il le jeûne. C'est-à-dire celui qui voit la nouvelle lune du mois de Ramadan, qu'il le jeûne. Dans la sunna, on trouve le hadith d'un homme qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a posé des questions sur les obligations. Parmi ces questions, ماذا يجب علي من الصيام ? Qu'est-ce qu'il m'incombe en matière de jeûne ? Il lui a dit شهر رمضان. Le mois de Ramadan. L'homme lui a dit أو علي غيره ? Est-ce qu'il m'incombe autre chose que cela ? Il lui a dit non. Il lui a dit non. Donc c'est le mois de Ramadan qui est obligatoire. Troisièmement, quand est-ce que le jeûne du mois de Ramadan nous a été prescrit, c'est-à-dire rendu obligatoire ? Naam, nous a été légiféré, nous a été rendu obligatoire. Cela a été en l'an 2 après l'Hégire. La même année de quelle célèbre bataille ? Dites-moi. La bataille de Badr. Naam, la bataille de Badr. Et beaucoup d'événements célèbres en islam ont lieu durant le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan a été légiféré en l'an 2 après l'égir du prophète alayhi salat wa salam. Troisièmement, manzilatu siyami min ad-din. Quel est le rang et la place du jeûne de Ramadan en islam ? Quelle est la place et le rang du jeûne de Ramadan en islam ? Wa ruknu rabi' min arkan al-islam. Il a une place incommensurable en islam. C'est même un pilier de l'islam, comme vous le savez, c'est le quatrième pilier de l'islam. Dans le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, le hadith connu sous hadith Jibril, Sunnah, rapporté par l'imam Muslim, il nous dit, بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذْ طَلَعْ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسنى ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فاخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Alors que nous étions assis en compagnie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, c'est alors que subitement un homme est apparu, habillé de vêtements d'un blanc étincelant, de cheveux très noirs. Il avait des cheveux très noirs et on ne voyait pas sur lui, yani personne d'entre nous ne le connaissait, bien qu'on ne voyait pas sur lui de traces de voyage. Il s'est approché du prophète alayhi salatu wassalam, s'est assis auprès de lui au point de mettre ses genoux contre les siens et ses mains sur ses cuisses. Puis il lui a dit au Mohammed, « Informe-moi au sujet de l'islam. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a répondu, « Al-islam, an tashhada an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamu salati wa ita'u zaka, wa hajj al-bayti wa sawmi ramadhan. » Ou plutôt, « Wa siyamu wa sawmi ramadhan wa hajj bayti Allahi al-haram. » Il lui a dit, « Sadaq, tu as dit vrai. » Le prophète sallam, lorsqu'il lui a mentionné l'islam, il lui a mentionné cinq choses à part. Il a commencé par la shahadat, le fait de témoigner qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, et que Mohammed est le message d'Allah. Ensuite, il lui a mentionné l'accomplissement de la prière. Ensuite, il lui a mentionné le fait de s'acquitter de la zakat. Puis, il lui a mentionné le jeûne du mois de Ramadan. Et le fait d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, si tu en as la capacité. Le prophète, ou plutôt l'homme, a répondu, Sadaqt, tu as dit vrai. Ici, le prophète, mentionne les piliers de l'islam. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, a mentionné ce hadith dans l'Arba'in Nawawi en deuxième position. Après le hadith sur l'intention, naman amalu bin niyat, qui est également le hadith d'Omar dans le Bukhari Muslim. Et en troisième position, il a mentionné le hadith du fils de Omar. Abdullah ibn Omar, ibn al-Khattab, radiallahu anhuma, Abu Abdurrahman, qala, sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, buniya al-islamu ala khams. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, nous dit, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, l'islam repose sur cinq, c'est-à-dire cinq grands piliers, fondements, fondations. Puis il a mentionné Shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakati wa hajji al-bayti wa sawmi Ramadan. Pour quelle sagesse l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné le second hadith, a ajouté ce troisième hadith dont l'essence se trouve dans le second en apparence. Ceux qui ont expliqué ce livre de l'imam Madha al-Nawawi rahimahullah ta'ala ont dit, car dans ce hadith, on nous montre la place des points cités par le prophète alayhi salatu wassalam, ces cinq choses, al-shahada, al-is-amada, la salat, la zakat, le jeûne et le hajj. Quelle place ont ces choses-là dans l'islam? L'imam al-Nawawi nous cite le troisième hadith pour répondre à ça. Bouni al-Islam ala hadihi. La place de ces cinq choses-là, dont le jeûne du mois de Ramadan, c'est que l'islam tout entier repose dessus. L'islam tout entier repose dessus. Donc la place du jeûne du mois de Ramadan, c'est quoi? C'est que c'est un pilier de l'islam. L'islam tout entier repose dessus. Voici la place du jeûne du mois de Ramadan en islam. C'est pas une habitude qu'on suit. C'est pas un jeûne par honte d'être vu en train de boire et de manger. Non, c'est un pilier de l'islam. Ta religion tout entière repose dessus. Le point suivant, il faut savoir que le jeûne du mois de Ramadan a été légiféré en plusieurs étapes. Allah, de par sa sagesse et sa miséricorde, il ordonne, il légifère et il abroge aussi. Subhanahu wa ta'ala. Rahmatan bina, par miséricorde et pitié envers ses serviteurs. Dans un premier temps, on a ordonné le jeûne du mois de Ramadan, mais c'était au choix. Celui qui voulait jeûner, il jeûnait. Celui qui ne voulait pas jeûner avait le choix de ne pas jeûner, si ce n'est qu'il devait nourrir un pauvre. Plus tard, on a abrogé ce jugement et c'est devenu une obligation sans avoir le choix. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran pour la première étape qu'on a le choix entre jeûner ou nourrir un pauvre. Mais malgré ça, elle nous encourage à jeûner. c'est meilleur de jeûner. Car il nous dit, subhanahu wa ta'ala, wa anta sumu khayran lakum. Mais si vous jeûnez, c'est meilleur pour vous. Plus tard, on approche ce jugement, c'est-à-dire le choix, et on nous dit, famen shahida minkum shahra, falyasum. Là, c'est devenu obligatoire pour tout le monde. Il n'y a plus ce choix-là. Le quatrième point, bima yajibu ibtida'u as-siyam, ay bima nahkum bidukhul ash-shahr. Par quel signe on se voit dans l'obligation de commencer le jeûne du mois de Ramadan? En d'autres termes, comment est-ce qu'on peut juger que le mois est entré? Que le mois est entré. Chaque année, on fait face à une vague d'ignorance et d'ignorants qui se prétendent à la tête de la communauté et qui annoncent en avance, des mois ou des semaines en avance, suite à des calculs astronomiques, que le début du mois, on a décidé que ça sera tel jour ou que ce sera tel autre jour. Et tout cela n'est pas accepté en islam. Car nous avons une religion complète, parfaite, reposant sur des bases saines et authentiques. C'est que cet islam repose sur la parole d'Allah qui est le Coran, sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui est la sunna. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a d'autres preuves, mais ça c'est notre base. Et on ne trouve pas ces calculs dans notre base. Donc cette question, elle est très importante. Et sachez qu'on ne peut juger de cela, l'entrée du mois, si ce n'est par l'un de deux signes. Si ce n'est par l'un de deux signes. Le premier signe, ru'yatul hilal. La vision de la nouvelle lune. La vision de la nouvelle lune de Ramadan. La vision de la nouvelle lune de Ramadan. Il faut savoir au préalable, pour bien comprendre ce qu'on mentionne ici, qu'un mois lunaire ne peut être composé que de, yani soit est composé soit de 29 jours, soit de 30 jours. Soit de 29, soit de 30 jours. D'accord? Donc, les musulmans vont scruter le ciel et chercher la nouvelle lune. Et la nuit précède le jour. La nuit précède le jour. Si le mois de Sha'ban est ce qu'on appelle naqis, incomplet, sera composé de 29 jours. Alors on verra la nouvelle lune. On verra la nouvelle lune. Si on voit la nouvelle lune, on jugera que le mois de Ramadan est entré, que c'est la première nuit. On prie Salat et Taraweh et le lendemain matin, on jeûne le premier jour de Ramadan après avoir mis l'intention. Ça, c'est la première, c'est le premier cas de figure. Le mois de Sha'ban est incomplet, donc 29 jours. Le soir, on voit la nouvelle lune de Ramadan, donc on juge que cette nuit est la première nuit de Ramadan. La nuit précédant le jour, on prie la nuit, on prie Taraweh. Le lendemain, on jeûne. On entame notre premier jour de jeûne. Ça, c'est le premier moyen de juger de l'entrée du mois de Ramadan et donc de l'obligation de jeûner. Dans Sourate Al-Baqarah, Allah nous dit « Faman shahida minkum shahra falyasum. » Celui donc qui témoigne du nouveau mois qu'il le jeûne. Et dans le Bukhari Muslim, on trouve que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Soumu li ru'yati » wa aftiru li ru'yati, jeûner à sa vision et romper à sa vision. C'est-à-dire une fois que vous voyez la nouvelle lune de Ramadan, entamez le jeûne le lendemain. Entamez le jeûne le lendemain. Et rompez à sa vision. C'est-à-dire une fois que vous voyez la nouvelle lune, c'est-à-dire de Shawwal, le mois de Ramadan est fini et c'est l'Eid et c'est le nouveau mois. Notre religion a donc rattaché le jugement du jeûne et l'entrée du mois à ces deux signes-là, pas à d'autres. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala nous dit: "Ulima minhu annahu la yajibu as-sawm bi muqtada al-hisab." De cela on tire De cela, on a su qu'il ne peut pas, qu'on ne peut nous imposer le jeûne ou le jugement du nouveau mois par les calculs astronomiques. Parce que l'islam a rattaché cela à deux jugements, à deux points plutôt, à deux points évidents, visibles, perceptibles. Premièrement, la vision de la lune. Deuxièmement, si on ne finit pas, donc le deuxième point, c'est si le mois, si on ne voit pas la nouvelle lune, on finit le mois de Sha'ban 30 jours, on complète 30 jours, et on reprend le surlendemain. On jeûne le surlendemain. Voici les deux signes. La vision de la nouvelle lune. Dans le cas contraire, compléter le mois de Sha'ban 30 jours. Compléter le mois de Sha'ban 30 jours. Ainsi, on sait quand est-ce qu'on doit commencer le jeûne du mois de Ramadan. Dans le hadith, si elle vous est cachée, فَأَكْمِلُ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. Si elle vous est cachée, c'est-à-dire la lune, alors complétez le mois de Sha'ban comme ayant 30 jours. Qu'il y ait des nuages ou pas. Ça y est. Le cinquième point, après avoir su ce qu'était As-Siyam, après avoir su la place du jeûne en islam, et comment savoir quand est-ce qu'on le commence, passons maintenant aux acteurs. Passons maintenant aux musulmans responsables. Celui qui a cette responsabilité, celui qui va se délecter de par cette adoration. Le cinquième point est donc shurutu wujubi siyam shahr Ramadan. Quelles sont les conditions d'obligation du jeûne du mois de Ramadan? En d'autres termes, quels sont les points? Dès lors qu'ils sont réunis sur le serviteur d'Allah, il se verra dans l'obligation de jeûner Ramadan. Notez, il y a 6 points. Il y a 6 conditions. Si elles se réunissent sur une personne, cette personne est dans l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Premièrement, elle islam, il doit être musulman. Deuxièmement, elle aql, la raison. Il ne doit pas avoir perdu la raison, être fou. Troisièmement, elle boulour. Pour que ça soit obligatoire pour lui, il doit être pubère. Quatrièmement, elle qudra, la capacité. Il ne doit pas être incapable de jeûner. Cinquièmement, elle iqama, il doit être résident. Le voyageur n'a pas l'obligation de jeûner. Et sixièmement, as-salamatu min al-mawani', ne pas avoir d'empêchement. Ça fait référence au menstru de la femme. Donc voici 6 points, dès lors qu'il se réunit sur une personne, elle se voit dans l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Premièrement, al-islam, il doit être musulman. Quant au kafir, on ne lui ordonne pas de jeûner, mais on l'appelle à l'islam. Non. Et s'il se convertit par la grâce d'Allah et sa guidée et sa miséricorde, on ne lui ordonne pas de rattraper les années de jeûne passées. Mais Allah lui efface ses péchés passés, lui pardonne ses fautes passées. Le bien qu'il a, il le garde. Puis il commence son jeûne à partir de son moment d'islam. Et sans l'islam, Allah n'accepte pas les actes d'adoration. Sans l'islam, Allah n'accepte pas les actes d'adoration, car il faut la sincérité et il faut le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Voici 2 conditions sans lesquelles Allah n'accepte pas l'adoration du serviteur. La première, c'est la sincérité, faire cela à la recherche de l'agrément d'Allah. Uniquement pour Allah, pas pour recevoir des éloges ou autre. La deuxième condition, c'est de suivre le prophète, alayhi salatu wassalam, de faire comme il nous l'a enseigné. Allah nous dit en Coran, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Et rien, ils ne se sont vus empêchés. Yani pour rien, ils ne se sont vus empêchés l'acceptation de leurs aumônes, si ce n'est qu'ils ont mécru en Allah et son messager. Donc le fait de mécroire en Allah et son messager empêche l'acceptation des œuvres chez Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils avaient commis le polythéisme, tout ce qu'ils ont fait serait devenu vain. Allah n'accepte pas l'action qui n'est pas faite sincèrement pour lui. Le prophète sallam nous dit, Allah dit, أَنَا أَغْنَى شُرَكَ يَعْنِ الشِّرْكِ. Je suis celui qui se passe le plus associé. مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعْيَا فِي غَيْرِ تَرَكْتُوا شِرْكَ. Celui qui fait un acte d'adoration et m'assigne un associé dans celui-ci, je le délaisse lui et son association, ou bien lui et son associé. Allah n'accepte que ce qui est fait sincèrement. إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. Allah est pur, bon, il n'accepte que ce qui est pur, ce qui est bon. Ça, c'est la première condition, être musulman. La deuxième condition, العقل, il faut avoir la raison. Celui qui n'a pas la raison, il ne peut jeûner, car il ne peut avoir l'intention. Et s'il jeûne, son jeûne n'est pas valable. S'il jeûne, son jeûne n'est pas valable. Et les autres adorations également ne le sont pas obligatoires. Ni la prière, ni autre. Exception faite de la zakat. Parce que ça, c'est le droit des biens. Donc son responsable va sortir quand même sa zakat. Son responsable va sortir quand même sa zakat. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, Rufi al-qalam an thalath. Pour trois personnes, la plume a été levée. Ils ne sont pas responsables. Parmi eux, al-majnoun hatta yufiq. Celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. La condition suivante, al-boulour, la puberté. Comment reconnaître la puberté? Est-ce que ça a 18 ans? Est-ce que ça a 21 ans? Non. La puberté s'atteint par l'un de trois signes. Par l'un de trois signes. Pas l'union des trois, forcément. Un seul de ces signes suffit pour juger de la puberté du préadolescent, de la préadolescente. La première condition, ou bien le premier signe, c'est Nabtou. C'est l'apparition des poils du pubis. L'apparition des poils du pubis. Celui qui a des poils en bas, on juge qu'il est devenu pubère. Un second signe, al-ihtilam, khuruj al-mani. La sortie du sperme, et les savants disent al-ihtilam, la pollution nocturne, car en général, ça sort ainsi la première fois. Donc celui qui a l'éjaculation devient lui ou elle pubère. Le troisième signe, c'est itmam khamsata ashara sana. Compléter 15 ans. Donc celui qui n'a pas vu le premier signe, il n'a pas vu non plus le deuxième, il complète 15 ans, on dit qu'il est pubère. On n'attend pas qu'il ait d'autres signes, non. Mais dans le cas où il a d'autres signes avant 15 ans, à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans, avant ou après, on dit qu'il est pubère. Il y a un signe en plus pour les femmes, donc les trois sont pour les garçons et les filles. Il y a un signe en plus propre aux femmes, c'est Damul Hayy. C'est la mada, les menstrues. Dès lors que la femme a ses menstrues, ses règles, la fille a ses menstrues, ses règles, elle devient pubère. La personne qui est pubère a l'obligation de jeûner. Qu'elle ait 14 ans, qu'elle ait 11 ans, moins, plus, elle a l'obligation de jeûner. Quant à l'enfant, le jeûne pour lui n'est pas obligatoire. Mais une fois qu'il supporte le jeûne, on l'entraîne, on l'encourage à jeûner. On l'entraîne et on l'encourage à jeûner. La condition suivante est l'iqam. Le fait d'être résident, de ne pas être en voyage. Quant au voyageur, il a la permission de ne pas jeûner. Mais quelle est la meilleure chose à faire pour lui? La meilleure chose à faire pour lui, c'est le plus facile. Si pour lui c'est plus facile de jeûner avec les gens pendant Ramadan en voyage, que de rattraper une fois revenu en dehors de Ramadan, alors le mieux pour lui c'est de jeûner dans Ramadan. Si pour lui c'est difficile et que c'est plus facile de rattraper dans l'année, alors c'est ça le mieux pour lui. Par contre, si ça lui est égal, le mieux pour lui, c'est de jeûner pendant Ramadan avec les musulmans. Pendant Ramadan avec Naam, les musulmans. Et dans le cas où le jeûne lui est nuisible, c'est trop difficile pour lui en voyage, ça lui cause du mal, du tort, là il est obligé de rompre son jeûne et de le rattraper. Pour lui, c'est haram de jeûner. Le prophète a dit, voici les pécheurs. Ceux qui se comportent ainsi, il a dit d'eux, Oulaika al-Usra, voici les pécheurs. C'est-à-dire ceux qui jeûnent alors qu'ils ne supportent pas que c'est trop difficile et que ça leur cause de la nuisance. Donc le jeûne en voyage est valable, mais s'ils l'auront, il devra rattraper un nombre de jours égal. Ensuite, il y a le qudra, la capacité. Le contraire est l'ajz, l'incapacité. Après, tu détectes, les savants disent qu'al-ajz naw'an est de deux types. L'incapacité est de deux types. Premièrement, qismun tari, c'est une incapacité passagère. Une incapacité passagère. Il est malade, ça le dérange dans son jeûne, mais c'est passager. Ça peut durer un mois, deux mois, une semaine, un jour, un an, cinq ans même. Ce dernier ne va pas jeûner. Puis lorsqu'il sera guéri de ce mal, il devra rattraper les jours de jeûne passés comme il le peut, au rythme qu'il peut. Le deuxième cas, c'est Al-Ajiz ou l'Ajz Alladhi la yurja zawalu. C'est l'incapacité, Al-Ajz ou Da'im, l'incapacité durable, celle de dont on n'espère plus la disparition. À l'image de celui qui a un diabète, d'un type qui a vie, et il est dans l'obligation de prendre des médicaments et autres. Il ne peut pas s'abstenir de boire ou de manger du lever de l'aube au coucher du soleil. Ou une personne qui doit prendre constamment des médicaments. D'accord ? Celui qui a une maladie de longue durée, une maladie qu'ils appellent eux incurable, alors il rentre dans celui qui a une incapacité durable. Ce dernier, il ne va pas jeûner, car il ne peut pas, mais il va nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Il va nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Cela nous appelle au sujet suivant, kayfiyatul it'am. Comment est-ce qu'il va nourrir les pauvres? Il y a deux manières. La première manière, c'est de préparer le repas, de donner ou d'inviter des pauvres à manger. Pauvres musulmans à manger. Chaque personne qui aura mangé un repas qui le rassasie, on enlève un jour. Ça comptera un jour. Anas ibn Malik, il faisait cela, il attendait la fin du mois, il invitait 30 pauvres ou 29 pauvres. Ça, c'est la première façon. Un repas qui rassasie la personne. La deuxième façon est de donner les denrées alimentaires non préparées, non cuisinées. Dans ce cas-là, tu donnes nisfu sa', la moitié d'un sa', près d'un kilo cinq de nourriture, de ce qui est communément consommé dans l'endroit où tu vis. Près d'un, environ un kilo cinq de nourriture. Dans ce cas-là, des savants disent, l'imam Ibn Athaymin rahimahullah, qu'il est bon dans ce cas-là d'y ajouter des condiments ou de la viande ou autre. Naam, tu donnes par exemple du riz. Mais cette personne est dans le besoin. Elle va cuisiner, elle n'aura pas de quoi préparer un repas agréable. Alors tu lui ajoutes de la viande. Juzaytum khayra. Donc voici les deux cas pour ceux qui n'ont pas la capacité de jeûner. Ensuite, le temps de cette action. Est-ce qu'on doit nourrir au début, au milieu, à la fin de Ramadan? On peut en avance, après, comment faire? Il y a le choix. Yom biyom, soit chaque nuit, d'accord? Soit chaque nuit, mais tu commences, tu précèdes pas le repas de, ou bien la journée du repas. Car le repas vient remplacer le jour non jeûné. D'accord? Donc tu attends le maghrib et tu donnes un repas. Soit tu le fais chaque jour, soit tu fais, par exemple, chaque semaine et ainsi de suite. Soit tu laisses à la fin et tu le fais à la fin. Tout cela est permis. Tout cela est permis. Le point suivant, As-salamatu min al-mawani', le fait d'être préservé d'empêchement, c'est, ça concerne spécifiquement la femme, c'est-à-dire l'absence des menstrues. Et on ajoute à cela les lochis, le sang qui sort après ou juste avant l'accouchement. La femme qui est indisposée, qu'est-ce qui lui incombe? De ne pas jeûner. C'est haram pour elle de jeûner. Deuxièmement, elle doit rattraper ses jours de jeûne, quand elle le pourra. Même si elle dit je suis enceinte maintenant ou j'allaite maintenant, on lui dit quand tu pourras. Dans un an, dans deux ans. C'est la seule manière. La femme indisposée, due au menstrue ou au lochi, qu'elle sache cela. Il n'y a pas d'autre solution. Elle ne peut que rattraper. Si elle peut, quand elle peut. Non, elle ne peut pas nourrir à la place. Elle dit par exemple, maintenant je suis enceinte, alors je pourrais rattraper que dans deux ans. On lui dit non, dans deux ans tu rattraperas. Le point suivant, tabiyyatun niyya. Quand est-ce qu'on doit mettre l'intention pour jeûner le mois de Ramadan? Sachez que pour le jeûne obligatoire, que ce soit Ramadan ou un autre, nous avons l'obligation de mettre l'intention avant le Fajr. Avant le Fajr, donc dans la nuit. Pas forcément avant de dormir ou autre, pas une heure précise, mais obligatoirement avant le Fajr. Celui qui n'a pas mis l'intention, et l'intention est dans le cœur, c'est juste se dire dans son cœur qu'on va jeûner demain. C'est aussi simple que ça l'intention. C'est pas une parole à faire à un endroit où on doit se rendre, une dépense, non. Juste se dire dans son cœur qu'on va jeûner demain. C'est lui qui n'a pas mis cette intention-là. Son jeûne n'est pas valable. Il devra le rattraper. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit « Man lam yajma' ou man lam yubayyit al-niyata min al-layl, fala sawmala. » Celui qui ne met pas l'intention de jeûner durant la nuit, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis durant la nuit l'intention de jeûner pour le lendemain, alors il n'a pas de jeûne. Alors il n'a pas de jeûne. Puis les savants mentionnent cette question. Est-ce qu'il doit mettre l'intention chaque nuit avant le Fajr? C'est-à-dire le lendemain, il a jeûné un jour. Est-ce que le lendemain doit refaire la même chose? Et le troisième, est-ce qu'il doit mettre 29 ou 30 intentions? Ou une seule suffit au début du mois? Les savants divergent dans cette question. Beaucoup de savants disent que l'avis prépondérant est de dire qu'il lui incombe une intention au début du mois à condition qu'il ne la coupe pas par un événement particulier. Comme les menstrues de la femme, comme le voyage, comme la maladie dans laquelle tu vas rompre le jeûne. Si tu reviens au jeûne à ce moment-là, il faudra remettre une intention. Dans le cas contraire, ça n'est pas une obligation, mais c'est mustahab. C'est recommandé de renouveler son intention. Naam, de renouveler son intention. Donc ça n'est pas une obligation, sauf pour celui qui a coupé cette intention. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Innamal amalu bin niyat ». Les actions ne valent que pas les intentions. Et cela contrairement au jeûne recommandé. Le jeûne recommandé, tu peux le commencer après le Fajr, en mettant l'intention après le Fajr. À condition de ne pas avoir mangé, bu, ni accompli une chose qui coupe le jeûne, qui fait partie de le mufattirat. La preuve de cela est que le prophète, alayhi salatu wassalam, est entré, comme c'est rapporté par l'imam muslim, est entré chez une de ses épouses et a dit « Hal indakum min shay » « Avez-vous quelque chose ?» c'est-à-dire à manger. « Qaloula » elles lui ont répondu « Non. »« Qala fa inni idhan sa'im » Il a dit « Je suis donc en état de jeûne », c'est-à-dire « Je commence mon jeûne ». On passe au sixième point, un point essentiel dans l'acquisition de la science relative au mois et au jeûne du mois de Ramadan. « Mahi al-mufattirat » Quels sont les points, les choses, les actions qui annulent le jeûne du croyant? On a compris l'importance du jeûne, il faut donc le préserver. Il y a des choses, si on les commet, ça annule notre jeûne. On doit étudier cela, ça fait partie de la science obligatoire. Quelles sont ces choses qui détruisent notre adoration, qui annulent notre jeûne? Premièrement, el akl wa shurb. Manger et boire. Manger et boire. S'il fait parvenir une chose, à son estomac, par la bouche, à boire ou à manger, que ce soit comestible ou non, que ce soit un bien ou non, que ce soit licite ou non, il annule son jeûne. Il annule son jeûne. Bon et comestible comme le pain, comme l'eau. Mauvais et nuisible et haram comme l'alcool, comme du bois, comme allez, des choses qui ne se mangent pas. S'il mange une chose, qu'elle soit licite ou non, qu'elle soit bonne ou mauvaise pour lui, ça annule son jeûne. Ça annule son jeûne. Allah Azza wa Jalla nous dit de manger de boire hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa kulu washrabu, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir, c'est-à-dire l'aube du yani le fajr de la nuit. Le fil blanc et le fil noir, ça fait référence au fajr et la nuit, jusqu'à ce que vous distinguiez la sortie de la nuit pour le fajr, pour l'aube. Jusqu'à ce moment-là, vous pouvez manger et boire. Puis on nous dit, puis, à partir de là, du fajr, complétez le jeûne jusqu'à la nuit, jusqu'au maghrib. On tire de cela, les savants ont tiré de cela, que parmi les annulatifs du jeûne, manger et boire. Manger et boire. Les savants ont mentionné des choses qui entraient dans ce chapitre, en disant ce qu'on appelle as-sa'ut, annuler également le jeûne. Qu'est-ce que c'est as-sa'ut? C'est idkhal ash-shay'i aw al-adwiya an tariq al-anf. C'est le fait de faire entrer les choses mais par le nez, comme les médicaments et autres. D'accord? Les savants ont dit que cela entrait également dans ce qui peut annuler le jeûne de la personne. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Balir filistin shaq illa antakuna sa'ima » Exagère quand tu fais entrer le lot dans ton nez quand tu fais le wudu, sauf en état de jeûne. Cette précaution prise pour l'état de jeûne a une sagesse qui n'est autre que préserver le jeûne de la personne. Préserver le jeûne de la personne. Les savants ont divergé quant au ibar, les piqûres. Naam, est-ce permis durant la journée de Ramadan que l'infirmier nous fasse une piqûre, d'aller à l'hôpital et qu'on nous fasse une piqûre? Il y a deux types de piqûres. Al-Muradhiya wa Maduna Dhalik. Premièrement, les piqûres nutritives. Celles-ci annulent le jeûne de la personne. Car elles ont le sens de manger et de boire. Ça le renforce, ça le nourrit. Donc si la piqûre est nutritive, ça le nourrit, c'est nourrissant, ça annule son jeûne. Mais dans le cas contraire, ça n'annule pas son jeûne. Dans le cas contraire, ça n'annule pas son jeûne. Le point suivant, al-ihtiqan, les suppositoires, le fait de faire entrer le médicament ou la chose par derrière. Est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Les savants ont divergé sur cette question. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit, l'avis prépondérant, c'est que ça n'annule pas le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran, ni dans la sunna. Quant à l'ihtikal, ou l'iktihal, le fait de mettre du khul dans les yeux, ceci n'annule pas le jeûne. Même s'il y a un goût qui descend, même s'il y a un goût qui est ressenti, na'am, ceci n'annule pas le jeûne. Pourquoi? Parce que ça n'a pas le sens ni de manger, ni de boire. Ça n'a pas le sens de manger, ni de boire. Ça, c'est le premier annulatif. Manger et boire, et ce qui s'y rapporte. Le deuxième annulatif, al-istiqa, le fait de se faire vomir, c'est-à-dire volontairement, que ce soit en se mettant les doigts dans la gorge, que ce soit en regardant une chose répugnante pour se faire vomir, ou en sentant une odeur nauséabonde pour chercher à se faire vomir, ou quelle que soit la manière entreprise. Si la personne vomit, ça annule son jeûne. Quant à la personne qui vomit involontairement, par maladie ou autre, cette personne-là n'a pas annulé son jeûne et elle n'a pas à le rattraper. Cela, car l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, Abu Daoud, Tirmidhi ibn Majah et autres, rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man istaqa'a amdan falyaqdi. Wa man dhara'ahu ay ghalabahu wa man dhara'ahu al-qay'u falaqada'a ali. » Celui qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui se fait vomir, qu'il rattrape, c'est-à-dire ce jour de jeûne. S'il le rattrape, c'est qu'il l'a annulé. Donc, se faire vomir annule le jeûne. Celui qui se fait vomir, qu'il rattrape ce jour. Et celui qui a été battu par son vomi, donc il a vomi involontairement, il n'a pas rattrapé. Donc, ça n'annule pas son jeûne. Le troisième annulatif du jeûne, al-istimna, ou al-istimna ou haramun, fi nahar ramadan, Al-istimna est le troisième annulatif du jeûne, c'est-à-dire la masturbation. Et la masturbation est haram en islam, que ce soit durant la journée de Ramadan ou en dehors de cela. Car Allah nous dit dans le Coran, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ceux qui, dans le Coran, dans Suratul Ma'arij, Allah nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, ceux qui préservent leur partie intime. Si ce n'est de leurs épouses et de celles qu'on leur a rendues licites, ces derniers ne sont pas blâmables. Quant à celui qui cherchera après ça, au-delà de cela, c'est-à-dire à prendre plaisir par d'autres manières, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Voici les transgresseurs. Donc c'est haram. C'est haram. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a enjoint aux célibataires qui n'arrivaient pas à se marier, qu'il jeûne. Le remède, c'est le jeûne. Et cela, il sera pour lui un rempart. Donc, le troisième annulatif, c'est à l'estime là, la masturbation. Et cela, quel que soit le moyen emprunté, que ce soit avec la main, que ce soit en jouant sur son sur son matelas, que ce soit en regardant une chose qui suscite le désir, que ce soit son épouse qui lui fasse cela, quel que soit le moyen, si son liquide sort, c'est-à-dire elle manie le sperme, il aura annulé son jeûne. Il aura annulé son jeûne. Il aura commis un péché, il devra s'en repentir. Il aura annulé son jeûne et il devra le rattraper. Certains savants disent même, il devra rester en état de jeûne jusqu'au Maghrib. Il n'a pas la permission après cela de poursuivre dans la nourriture, la boisson ou autre. Quant au regard, les savants disent takrar al-nazar. Ils disent la répétition du regard. Parce que le premier est excusé. S'il a un premier regard et que quelque chose sort, il est excusé, ça n'annule pas son jeûne, même si c'est du mani. Mais à partir du moment où il réitère ce regard volontairement, si son liquide sort, il a annulé son jeûne. Donc si c'est le mavi qui sort, si c'est le liquide prostatique, ça n'annule pas le jeûne, mais ça diminue sa récompense. Et si c'est le mani, si c'est le sperme qui sort, à ce moment-là, il a annulé son jeûne. Il doit se repentir, il a commis un péché, et il doit attraper ce jour. Le quatrième annulatif, قَطْعُ النِّيَّةِ, le fait de couper l'intention. C'est-à-dire avec son cœur, il cesse son jeûne, il arrête de jeûner. Il coupe son intention. Ça annule le jeûne. Pas l'intention de couper, couper son intention. L'intention de couper, par exemple, tu es en voyage, tu as soif. Tu dis, si je trouve un supermarché, j'achèterai à boire. Parce que je suis en voyage, je peux couper. Finalement, tu arrives au supermarché, tu vois qu'il reste une heure. Tu dis, je vais continuer. Là, il n'a pas coupé son jeûne. Parce qu'il avait projeté, c'était une intention future. Tant qu'il ne l'applique pas, il n'a pas coupé son jeûne. Quant à celui qui, avec son cœur sur place, coupe son intention, son jeûne est annulé, même s'il n'a rien bu, rien mangé. Est-ce que vous distinguez entre ces deux cas ou pas ? Barakallahu fikum. Ensuite, al-hijama, la saignée, mais il y a une grande divergence à ce sujet. Du fait que le prophète alayhi salatu wassalam a dit laqad aftara as-sa'im laqad aftara al-hajim wal-mahjoum. Celui qui fait la hijama et celui qui la demande ou celui à qui on l'a fait, tous deux ont annulé. Et d'autres ont utilisé le hadith yahtajama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sa'im. Le prophète sallam a fait la hijama alors qu'il était sa'im. Puis ils ont divergé quant aux authenticités de ces hadiths. Quoi qu'il en soit, il y a une grande divergence. Le mieux restant quand même de s'en éloigner. Le mieux reste quand même de s'en éloigner dans le doute. Le dernier annulatif, ou bien un des annulatifs, c'est ar-ridda, l'apostasie, le fait de sortir de l'islam, idha mata ala dhalik. Celui qui sort de l'islam, adanallahu wa iyyakum min dhalik, Allah nous en préserve tous, ça annule toutes ses actions. Mais il y a une condition, il faut qu'il meure dessus. Quant à celui qui sort de l'islam, puis il se repent, ses actions ne sont pas annulées. Parce que dans le Coran, quyida bil maut, cette condition a été rattachée à quoi ? Au fait de mourir dessus. Le dernier point qu'on mentionne ici, c'est al-jima', c'est les rapports sexuels. Tout ce que j'ai mentionné jusqu'à présent avait pour conséquence d'annuler le jeûne. Avait pour conséquence d'annuler le jeûne. Ce point-là est le seul qui annule le jeûne, mais en plus de l'annulation du jeûne, il y a le kafara, el mughallaza. Il y a une expiation très sévère. C'est pour celui qui a eu un rapport avec son épouse par l'endroit. Celui-ci, premièrement, face à Dassoum, il a annulé son jeûne. Deuxièmement, wa'athim, il a pris un péché, un grand péché. Troisièmement, alayhi tawba, il a l'obligation de se repentir. Quatrièmement, yalzamul qada, il a l'obligation de rattraper ce jour. Et cinquièmement et finalement, esh, al-kafara al-mughallaza. Il y a l'expiation sévère. Tout cela, pour qui ? Pour celui qui a eu un rapport. Naam, c'est un des pires annulatifs du jeûne. Donc il a cinq choses à faire s'il tombe dans ça. Iyadan billah. Dans le hadith d'Abi Hurayrah radiallahu anhu, naam, il nous dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ya Rasulallah halakt » au message d'Allah, j'ai péri. Il lui a dit « Ma halakak ? Qu'est-ce qui t'a fait périr ?» Il lui a dit « Waqa'tu ala ahli fi nahri Ramadan » J'ai eu des rapports avec mon épouse dans la journée de Ramadan. Il lui a dit « Hal tajidu raqabatan tu'tiquha ? Est-ce que tu peux affranchir un esclave ?» Il lui a dit « Là. » Il lui a dit « Non. » Alors le prophète sallam lui a dit « Hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ayn ? Est-ce que tu as la capacité de jeûner deux mois consécutifs, c'est-à-dire sans les couper d'un jour ?» Il lui a dit « Non. » Puis il lui a dit « Hal tastati'u an tut'ima sittina miskinan ? Est-ce que tu as la capacité de nourrir 60 pauvres ?» Il lui a dit « Non. » Thumma jalasa ar-rajul. Alors l'homme s'est assis. Le prophète sallam s'est tu. Puis on est venu, on a donné un seau de date au prophète alayhi salatu wassalam. Puis le prophète a dit, Aïna Rajul, où est l'homme? Il a dit, je suis là. Il lui a dit, tiens, tasaddaq bihala. Il lui a dit, tiens, donne-le en aumône. L'homme est parti, puis il s'est arrêté à dire à Rasulallah, awa ala afqar minni, est-ce que je dois donner cela en aumône à plus pauvre que ma famille? Fa wallahi ma bayna labatayha afqar min ahli. Je jure par Allah qu'il n'y a pas entre ces deux là-bas plus pauvre que ma famille. Subhanallah. Alors le prophète a souri, il lui a dit, at'im biha ahlak. Il lui a dit, noie avec ta famille. Et il arrive de la situation. Il est venu en disant, halakt, je suis anéanti. Et subhanallah, l'islam est tellement clément qu'il repart avec une aumône pour sa famille. Il est venu dans une difficulté, il repart avec une ni'ma. Et un secours, parce qu'il est revenu voir les gens de science. Après s'être réfugié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on a mentionné ici, naam, comme annulatif, sachez que pour que ce soit effectif, il y a trois conditions. On ne jugera pas de l'annulation du jeûne de la personne si ce n'est avec ces trois conditions. La première, un yakuna aliman, qu'il soit savant du jugement. S'il ignorait que se faire vomir, annuler le jeûne, ça n'annule pas son jeûne parce qu'il était ignorant. Deuxièmement, ayakuna muta'ammidan, qu'il le fasse volontairement. S'il a été forcé, on lui ouvre la bouche, on lui met de l'eau de force, alors ça n'annule pas son jeûne. La troisième condition, ayakuna dhakira, au moment de faire cet annulatif, il se souvient de son état de jeûne. S'il l'a oublié, c'est excusé. S'il l'a oublié, c'est excusé. Un rappel pour finir. On a vu ce qu'on devait délaisser pendant le jeûne. Mais le jeûne a été légiféré pas seulement pour délaisser la nourriture, la boisson et autres, mais pour délaisser le haram et les péchés. Il faut aussi jeûner du haram et des péchés. Car là, c'est pour cela qu'il nous a légiféré le jeûne. Alladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ay li ajli an tattaqullah. Le jeûne a été légiféré pour qu'on devienne pieux. C'est-à-dire pour qu'on fasse ce qu'Allah nous a ordonné en espérant sa récompense. Pour qu'on délaisse ce qu'Allah nous a interdit en craignant sa menace et son châtiment. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous a légiféré le jeûne du mois de Ramadan. C'est pour cela que le prophète m'a dit, celui qui ne laisse pas les mauvaises paroles et le mensonge, Allah n'a que faire de son jeûne. Et des gens vont jeûner, ils n'auront d'autres récompenses, si ce n'est la faim et la soif. Parce qu'ils n'ont pas jeûné comme Allah voulait d'eux. Le délaissement des péchés. Combien sont ceux qui entrent dans le mois de Ramadan? Ils jurent par autre qu'Allah. Ils portent des talismans. Ils doivent se repentir et délaisser le shirk. Combien sont ceux qui jeûnent le mois de Ramadan et ils ne prient pas, alors que c'est le deuxième pilier de l'islam? Ils doivent se repentir et revenir vers Allah. Ils doivent accourir vers Allah. Quel meilleur mois pour revenir vers Allah et délaisser les péchés? Quel meilleur mois pour pleurer devant Allah pour qu'il nous sauve de l'enfer et qu'il nous fasse entrer au paradis? La prière est l'action la plus aimée chez Allah Azza wa Jal. Et c'est la première chose qui sera jugée au Al-Qiyamah. Et ça vient avant même le jeûne du mois de Ramadan. On doit tous préserver cette salat jusqu'à rencontrer Allah Tabaraka wa Ta'ala et espérer son paradis. On doit jeûner le mois de Ramadan en délaissant les péchés, en se repentant. La femme, elle saisit cette occasion pour porter le vêtement de la foi, le hijab. Elle se repent de mauvaises tenues, de mauvais comportements. L'homme, il saisit cette occasion pour prier au masjid, il se repent de mauvais comportements. Hakada. Et Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, ou bien vous recevrez l'information Inch'Allah Ta'ala, il y aura une autre conférence. Wa salli Allahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On continuera cela en mentionnant mustahabbatu as-siyam, makruhat as-siyam, les choses qui sont recommandées pendant le jeûne du mois de Ramadan, comme le fait de prendre le repas d'avant le fajr et autres. Inch'Allah Ta'ala. Et durant le mois de Ramadan, durant les 10 premiers jours, Inch'Allah Ta'ala, il y aura des cours principalement sur les jeûnes du mois de Ramadan et les récits du Coran. Tafsir du Coran et les histoires du Coran. Inch'Allah Ta'ala. Jazakum Allahu khayran, waffaqan Allahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار